Première partie, Rouge d'amour. Chapitre 1. J'avais à peu près 10 ans quand je fis connaissance avec Bernard. Mais avant tout, madame, il faut que je vous parle un peu de ma famille. Mon père était charpentier et ma mère blanchisseuse. Il n'avait pour tout bien que 5 filles, dont je suis la plus jeune. Et une maison que mon père bâtit lui-même, sans l'aide de personne et sans qu'il lui en coûtât un centime. Elle était perchée sur la pointe d'un rocher, qu'on s'attendait tous les jours à voir rouler au fond de la vallée, et qui, pour cette raison, n'avait pas trouvé de propriétaire. Quand j'étais enfant, j'allais m'asseoir à l'extrémité du rocher sur une petite marche en pierre, d'où l'on pouvait voir à 300 pieds au-dessous du sol la plus grande partie de la ville. Mon père, après sa journée finie, venait s'asseoir à côté de moi. Son plaisir était de me prendre dans ses bras et de regarder le ciel, sans rien dire, pendant des heures entières. Il ne parlait du reste à personne, excepté à ma mère, et encore bien rarement. Soit qu'il fût fatigué du travail, car la hache et la scie sont de durs outils, soit qu'il pensât, comme je l'ai cru souvent, à des choses que nous ne pouvions pas comprendre. C'était du reste un très bon ouvrier, très doux, très exact, et qui n'allait pas au cabaret 3 fois par an. Si mon père était silencieux, ma mère, en revanche, parlait pour lui, pour elle et pour toute la famille. Comme elle avait le verbe haut et la voix forte, on l'entendait de tout le voisinage. Mais ses gestes étaient encore plus prompts que ses paroles, et d'un revers de main, elle rétablissait partout l'ordre et la paix. Sa main était, révérence parlée, comme un vrai magasin de tapes, et la clé était toujours sur la porte du magasin. Au premier mot que nous disions de travers, mes sœurs et moi, la pauvre chère femme, que le bon Dieu ait son âme en son saint paradis, nous choisissait l'une de ses plus belles gifles et nous l'appliquait sur la joue. Et croyez bien, madame, que nous n'avions pas envie de rire, car ses mains, endurcies par le travail, avaient la pesanteur de 2 battoirs. Du reste, bonne femme qui pleurait comme une madonnelle les jours d'enterrement, et qui aurait donné pour mon père et pour nous son sang et sa vie. Mais quant à crier, battre et se disputer avec ses voisins, elle n'y aurait pas renoncé pour un empire. Mon père, qui était la bonté même, voyait et entendait tout sans se plaindre, se contentait de lever quelquefois les épaules, ce qui ne le sauvait pas de tout reproche. Mais il était dur à la peine. Il disait souvent, « Nous ne sommes pas en ce monde pour avoir nos aises, et puisque nous ne pouvons pas avoir d'enfants sans nos femmes, il faut savoir supporter nos femmes. » On l'appelait le vieux sans souci, parce que jamais personne n'avait pu le mettre en colère, ni homme, ni enfant, ni créature vivante, et qu'il n'aurait pas donné une chiquenaude, même à un chien, excepté pour se défendre de la mort. Un jour, en revenant du lavoir, ma mère se sentit fort altérée et tout en sueur. Elle but un grand verre d'eau froide, tomba malade et mourut la semaine suivante. Mon père l'amena au cimetière sans pleurer et revint à la maison avec mes sœurs et moi. Il nous embrassa toutes, donna les clés de ma mère à ma sœur aînée, qui avait déjà 18 ans, s'assit dans le coin de la cheminée et mit sa tête entre ses mains. À dater de ce jour-là, le vieux sans souci, qui n'avait guère parlé jusque-là, ne parla plus du tout. Il avait l'air de rêver nuit et jour, et nous-mêmes, intimidés par son silence, nous ne parlions plus qu'à voix basse, pour ne pas l'interrompre dans ses rêves. Cependant, mes sœurs se marièrent l'une après l'autre, quand l'âge fut venu, et laissèrent là mon père, avec qui je restais bientôt seul. J'avais alors 10 ans, et ce fut vers ce temps-là, comme je vous le disais en commençant, que je fis pour la première fois connaissance avec Bernard, dit l'éveillé, et le vireloup. Car vous savez, madame, que c'est assez la coutume chez nous de donner des surnoms aux garçons comme aux filles, et que ces surnoms font souvent oublier le nom que nous a donné notre père. Moi, par exemple, quoiqu'à l'église et à la mairie l'on m'ait appelé Marie, je n'ai jamais, depuis l'âge de 12 ans, répondu qu'au nom de Rose d'amour, que les filles de mon âge me donnaient par dérision, et que les garçons répétaient par habitude. Car il faut vous dire, madame, et vous devez le voir aujourd'hui, que je n'ai jamais été jolie, même au temps où l'on dit communément que toutes les filles le sont, c'est-à-dire entre 16 et 18 ans. J'avais les cheveux noirs, naturellement, les yeux bleus et assez doux, à ce que disait quelquefois mon père, qui ne pouvait pas se lasser de me regarder. Mais tout le reste de la figure était fort ordinaire. Et si j'ajoute que je n'étais ni boiteuse, ni manchotte, ni malade, ni mal conformée, que j'avais des dents assez blanches et que je riais toute la journée, vous aurez tout mon portrait. Du reste, on m'aimait assez dans le voisinage, parce que je n'avais jamais fait un mauvais tour ni donné un coup de langue à personne, ce qui est rare parmi les pauvres gens, et plus rare encore, dit-on, chez les riches. Il ne faudrait pas croire que je fusse le moins du monde malheureuse de vivre avec mon père, quoiqu'il ne me dît pas 6 paroles par jour, si ce n'est pour les soins du ménage, et que nous n'eussions pas toujours de quoi vivre. Les gens qui se portent bien et qui travaillent n'ont pas de très grands besoins. Un petit écu leur suffit pour la moitié d'une semaine, et s'il ne suffit pas, ils prennent patience, sachant bien que la vie est courte, que la bonne conscience est mère de la bonne humeur, et que la gaieté vaut tous les autres biens. Tous les soirs, après souper, dans la belle saison, j'allais me promener avec mon père et quelques voisins dans la campagne. Nous montions dans ce bois de châtaigniers que vous connaissez et qui est sur la hauteur, à une demi-lieue de la ville. Là, mon père se couchait sur le gazon, les yeux tournés vers les étoiles, et moi je courais autour de lui avec les enfants de mon âge. L'hiver, nous restions au coin du feu, tantôt chez nous, tantôt chez le père Bernard, dit « tape à l'œil », afin de ménager le bois qui ne se donne pas dans notre pays et qui coûte aussi cher que le pain. Un soir, c'était au mois d'avril, mon père ne voulut pas venir avec nous et me laissa aller au bois avec plusieurs autres garçons et filles sous la conduite de la mère Bernard, qui était une femme très respectable et âgée. Tout en courant, je m'égarais un peu dans le bois, qui n'était pas toujours sûr. Les loups y venaient quelquefois de la grande forêt de la Renarderie, qui n'est qu'à 6 lieues de là. Justement, ce jour-là, des chasseurs avaient fait une battue dans la forêt, et un vieux loup, pour échapper aux chiens, s'étant jeté dans la campagne, avait cherché un asile dans le bois où je courais. J'étais seul avec un garçon plus âgé que moi de 3 ans, qu'on appelait Bernard l'Éveillé. Jusqu'au détour du sentier, je vois venir à moi le loup, une grande et énorme bête, avec une gueule écumante et des yeux étincelants que je vois encore. Je pousse des cris affreux et je veux fuir. Mais le loup, qui peut-être ne songeait pas à moi, courait pourtant de mon côté et allait m'atteindre. J'entendais déjà le bruit de ses pattes qui retombaient lourdement sur la terre et froissaient les feuilles des arbres dont les chemins étaient couverts depuis l'hiver, lorsque tout à coup Bernard l'Éveillé se jette au-devant de lui. Comme il n'avait ni arme ni bâton, il quitte sa veste, attend le loup et, le voyant apporter, la lui jette sur la tête pour l'étouffer. En même temps, il m'appelle à son secours, mais j'étais bien embarrassé. Et pendant qu'avec les manches de sa veste, il cherchait à étouffer le loup, je poussais des cris effrayants au lieu de l'aider. Le loup, tout enveloppé dans la veste de Bernard, poussait de sourds hurlements, se dressait contre lui et cherchait à le mordre et à le déchirer. Je ne sais pas comment l'affaire aurait fini si les chasseurs et les chiens qui le poursuivaient, depuis plusieurs lieues, n'étaient pas arrivés en ce moment pour délivrer Bernard. Le loup fut tué d'un coup de couteau de chasse, les chasseurs firent de grands compliments à Bernard pour son courage, et l'on nous remit tous deux dans notre chemin. Madame, cette petite aventure a décidé de ma vie. Vous devinez aisément comment Bernard fut reçu par mon père, lorsqu'il eut appris mon danger, et la manière dont il m'en avait tiré. De ce jour-là, Bernard devint notre ami le plus cher, et ne nous quitta plus, surtout le dimanche. Il perdit son surnom de l'Éveillé pour celui de Vireloup, qui rappelait son courage, et mon père ne fit plus une partie de campagne sans y inviter Bernard, qui de son côté ne se fit pas prier, et ne me quittait pas plus que mon ombre.